suivant la Rochefoucauld, la femme a un tel fond de coquetterie qu'elle n'en connaît pas elle-même la mesure. Elle la dompte plus difficilement que la passion. Et c'est cette coquetterie qu'elle prend souvent pour de l'amour. La Bruyère n'est pas tout à fait de cet avis. Il remarque que dans l'amour, la femme a plus de tendresse que l'homme. En revanche, il déclare qu'elle lui est inférieure en amitié. Sur ce dernier point, il ne s'éloigne guère de la Rochefoucauld. Montaigne, lui non plus, ne croyait pas la femme capable d'amitié. Une femme dont le fidèle attachement le suivit au-delà du tombeau, Madame de Gournay, lui prouva qu'il s'était trompé. Madame de Sablé et Madame de Lafayette donnèrent aussi à la Rochefoucauld un démenti analogue. Et où donc se trouverait l'amitié, sinon dans le cœur de la femme, ce cœur qui a besoin de se dévouer jusqu'au sacrifice? Jugée peu digne de s'élever aux hauteurs de l'amitié, la femme ne mérite guère non plus la confiance, s'il faut en croire la Bruyère, qui la suppose plus fidèle à garder son secret que celui d'autrui. Il semble au contraire que la femme se trahit plus facilement elle-même qu'elle ne trahit les autres. Mais il est vrai que la Bruyère juge de la femme d'après les coquettes de son temps, ou plutôt les coquettes de tous les temps. Et les célimènes ne manquaient pas au XVIIe siècle. Malgré le stigmate vengeur dont Molière avait marqué ce type, il ne cessa de faire école, triste école à laquelle le XVIIIe siècle fournit le plus d'élèves. Aux yeux de la Bruyère, la femme est extrêmement tout, dans le bien comme dans le mal. Nous n'y contredirons pas. Suivant ce moraliste, la plupart des femmes n'ont guère de principe. Elles se conduisent absolument par le cœur, et dépendent pour leur mœurs de ceux qu'elles aiment. La Bruyère n'étant heureusement pas à la totalité des femmes un semblable jugement. Sans doute, en matière d'opinion et en toute chose qui n'intéresse pas la conscience, la femme se laisse plutôt guider par des sentiments que par des idées. Mais quant aux mœurs et aux croyances dont elle a reçu les immuables principes dans une solide éducation chrétienne, elle ne les sacrifiera jamais à ses plus vives tendresses même. Loin de là, c'est elle qui en fera régner autour d'elle la bienfaisante influence. D'ailleurs, même considérée comme une créature toute d'impression, la femme est-elle bien souvent aussi passive que le pense la Bruyère? Montaigne n'en était pas très persuadé. Il ne la juge pas si prompte à se ranger à la vie d'autrui, témoin l'amusante histoire de la Gasconne. Certes, il se garde bien de nier l'impressionnabilité de la femme, mais suivant lui, cette impressionnabilité est moins passive qu'active, et toujours d'après le vieux sceptique, la femme s'exaspère d'autant plus que la contradiction lui est opposée par le froid raisonnement. Devant la femme impérieuse, acariâtre que Montaigne dépeint et qui servira de modèle à Boileau, je comprends que le premier ait accepté cet idéal du mariage, un mari sourd, une femme aveugle. Il me semble cependant que dans cette définition, tout n'est pas à la charge de la femme, puisque la cécité de l'épouse n'est pas moins indispensable à la paix du mariage que la surdité de l'époux. Montaigne ne nous paraît pas très convaincu ici du bonheur que peut apporter le mariage. Le mariage qu'il considère comme un marché qui n'a que l'entrée libre. Pour la Rochefoucauld, il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. Heureusement, à côté de ces portraits peu flatteurs de la femme, à côté de ces tableaux peu enchanteurs de la félicité conjugale, nous trouverons, sinon dans la Rochefoucauld, du moins dans Montaigne, dans la Bruyère, dans Montesquieu, d'autres traits qui témoignent que dans un monde corrompu, il y avait encore d'honnêtes femmes et de bons ménages. La démoralisation avait du reste été progressive. Le père de Montaigne lui disait que de son temps, à peine y avait-il dans toute une province une femme de qualité mal nommée. Un écrivain qui n'aimait pas les femmes vertueuses et qui, regardant leur vie patriarcale d'autrefois, comme un état de grossièreté primitive, considérait comme un progrès la brillante corruption qui les y avait arrachées. Brantôme, l'immoral Brantôme, constatait que parmi ses contemporaines, le nombre des honnêtes femmes l'emportait sur le nombre des autres. Il est vrai que pour Brantôme, le titre d'honnête femme était singulièrement élastique. Nous en avons cité une preuve. Comme au Moyen-Âge, les femmes d'intérieur, les femmes de ménage, existaient toujours au XVIe siècle, bien que Montaigne en restreignît le nombre. La plus utile et honorable science et occupation à une mère de famille, dit-il, c'est la science du ménage. J'en vois quelqu'une avare, de ménagère, fort peu, c'est sa maîtresse qualité, et qu'on doit chercher avant tout autre. comme le seul douaire qui sert à ruiner ou à sauver nos maisons. Selon que l'expérience m'en a appris, je requiers d'une femme mariée au-dessus de toute autre vertu, la vertu économique. Je l'en mets au propre, lui laissant par mon absence tout le gouvernement en main. L'ordre, l'économie, c'est là ce que recommande à la nouvelle mariée un père soucieux de l'avenir du jeune ménage. C'est toujours l'idéal de la femme forte qui domine dans les familles chrétiennes, surtout dans la vie rurale. En parlant de l'agriculteur, Olivier de Serres voit comme Montaigne, dans la femme vigilante, la fortune de la maison. Mais il s'inspire directement de la Sainte Écriture pour traduire cette pensée. Il dit avec un sentiment tout biblique, « Celui sera un grand support et aide que d'être bien marié et accompagné d'une sage et vertueuse femme pour faire leurs communes affaires avec parfaite amitié et bonne intelligence. Et si une telle lui est donnée de Dieu, que celle qui est décrite par Salomon se pourra dire heureux et se vanter d'avoir rencontré un bon trésor, étant la femme l'un des plus importants ressorts du ménage de laquelle la conduite est à préférer à toute autre science de la culture des champs. Où l'homme aura beau se morfondre à les faire manier avec tout art et diligence, si les fruits en provenant serrés dans les greniers ne sont par la femme gouvernés avec raison. Mais au contraire, étant entre les mains d'une prudente et bonne ménagère, avec honorable libéralité et louable épargne, seront convenablement distribués, si qu'avec toute abondance les vieux se joindront au nouveau avec votre grand et commun profit et louange. Aussi on dit bien vrai, qu'en chacune saison, la femme fait ou défait la maison. » Avec Xénophon, Olivier de Serres rappelle dans un autre chapitre que la femme doit vaquer au gouvernement de la maison pendant que le mari dirige l'exploitation agricole. Mais il faut qu'il y ait entre les époux communication de conseils requises à tout ménage bien dressé, étant quelquefois à propos, selon les occurrences, que l'homme dit son avis et se mêle des moindres choses de la maison, et la femme des plus sérieuses. C'est le moyen en obéissant d'apprendre à lui commander. Je veux dire que quand il reconnaîtra cette humble obéissance, il ne fera plus rien que ce que vous désirez, et vous abandonnera la libre disposition de tout le ménage. Le temps passé, quand on voulait louer un homme, on le disait « bon laboureur ». C'était aussi lors de la plus grande gloire de la femme que d'être estimée bonne ménagère, laquelle louange, le temps n'ayant peu estreindre, est encore en telle réputation que celui qui se veut marier, après les marques de crainte de Dieu, et pudicité par-dessus toute autre vertu, cherchant sa femme le bon ménage, comme article nécessaire pour la félicité de sa maison. Plus grande richesse ne peut souhaiter l'homme en ce monde, après la santé, que d'avoir une femme de bien, de bon sens, bonne ménagère. Telle conduira et instruira bien la famille, tiendra la maison remplie de tout bien, pour y vivre commodément et honorablement. Depuis la plus grande dame jusqu'à la plus petite femmelette, à toute la vertu du ménager, reluit par-dessus tout autre comme instrument de nous conserver la vie. Une femme ménagère, entrant en une pauvre maison, l'enrichit. Une dépensière ou feignante détruit la riche. La petite maison s'agrandit entre les mains de celle-là, et entre celle de celle-ci, la grande s'appétisse. Salomon fait paraître le mari de la bonne ménagère. Entre les principaux hommes de la cité, dit que la femme vaillante est la couronne de son mari, qu'elle bâtit la maison, qu'elle plante la vigne, qu'elle ne craint ni le froid ni la gelée, que la maison et les richesses sont de l'héritage des pères, mais la prudente femme est de par l'Éternel. À ces belles paroles profitera notre mère de famille et se plaira en son administration. Si elle désire d'être louée et honorée de ses voisins, révérée et servie de ses enfants, si elle prend plaisir de voir toujours sa maison abondamment pourvue de toute commodité pour s'en servir au vivre ordinaire, au recueil des amis, à la nécessité des maladies, à l'avancement des enfants, aux aumônes des pauvres. Olivier de Serres, qui rappelle à la ménagère les récompenses de la femme forte, dit aussi, dans le chapitre d'où nous avons extrait notre première citation, quelles incomparables félicités attendent les époux qui s'unissent dans une affectueuse estime pour diriger leur maison. Par telle correspondance, la paix et la concorde se nourrissant en la maison, vos enfants en seront de tant mieux instruits et vous rendront tant plus humble obéissance que plus vertueusement vous verront vivre par ensemble. Cela même vous fera aussi aimer, honorer, craindre, obéir de vos amis, voisins, sujets, serviteurs. Et par quelle marque étant votre maison reconnue pour celle de Dieu, Dieu y habitera, y mettant sa crainte. et la comblant de toutes sortes de bénédictions, vous fera prospérer en ce monde, comme est promis en l'Écriture. » Tel fut le ménage du baron et de la baronne de Chantal. Et le rôle de la ménagère contribua puissamment à préparer dans la noble dame la sainte que l'Église devait placer sur ses autels. Lorsque M. de Chantais se maria, il remit le gouvernement de la maison à sa jeune compagne, qui s'effrayait de cette responsabilité. Mais avec la douce autorité de l'époux chrétien, il voulut qu'elle se résolût à porter ce fardeau, disant lui aussi que la femme sage édifie sa maison, et que celle qui méprise ce soin détruise les plus riches. Et il mit sous les yeux de la jeune femme comme un exemple le type de la baronne de Chantal, son héroïque mère. Saisie d'une généreuse émulation, elle ceignit ses reins de force et fortifia son bras, pour se dévouer à la mission domestique que lui imposait son mari. Elle mit ordre à l'ordinaire et aux gages des serviteurs et servantes, le tout avec un esprit si raisonnable que chacun était content. Elle ordonna que tous les grangers, sujets, receveurs et autres avec lesquels on aurait à traiter, s'adresseraient immédiatement à elle pour toutes les affaires. Dès le jour qu'elle prit le soin de la maison, elle s'accoutuma à se lever de grand matin, y avait déjà mis ordre au ménage et envoyé ses gens au labeur, quand son mari se levait. De fortifiantes lectures, la vie des saints, les annales de la France, rafraîchissaient son âme au milieu de tant d'occupations matérielles. Elle ne portait habituellement que des vêtements de camelot et d'étamine, mais l'élégance innée de la grande dame la faisait paraître plus charmante sous ses humbles habits que d'autres sous leurs tissus d'or et de soie. Lorsqu'elle avait à représenter, elle se parait de ses vêtements de noces ou de ses ajustements de jeune fille. Elle savait accueillir avec la grâce modeste de la femme chrétienne les amis de son mari, qui se réunissaient chez lui pour la chasse et d'autres divertissements. Mais lorsque son mari était absent, il n'y avait pour elle ni réception ni parure. « Les yeux à qui je dois plaire, disait-elle, sont à 100 lieues d'ici. Ce serait inutilement que je m'agencerais. » Elle était pour les pauvres une servante. Pendant une famine, elle les réunissait chaque jour, leur versait du potage dans leurs écuelles, leur présentait les morceaux de pain qui s'entassaient dans les corbeilles. Alors, déjà, elle secourait ses malades, que dans son austère veuvage, elle devait soigner avec une héroïque charité. Pour un délit qu'elle jugeait véniel, un paysan était-il renfermé dans l'humide prison du château, elle l'en faisait secrètement sortir le soir, lui donner un lit. Et le lendemain, de grand matin, pour ne pas déplaire à son mari, elle remettait le prisonnier dans la prison, et en allant donner le bonjour à M. de Chantal, elle lui demandait si aimablement congé d'ouvrir à ses pauvres gens, et les mettre en liberté, que quasi toujours elle l'obtenait. Elle donnait aux paysans les exemples de la piété. Elle instruisait elle-même dans la religion ses serviteurs que la prière en commun réunissait matin et soir autour de la châtelaine. Sévère pour le vice, elle était indulgente pour les fautes auxquelles les domestiques s'étaient laissés entraîner, par la faiblesse et non par la volonté. Et ici encore, sa miséricordieuse influence plaidait auprès du châtelain en faveur du coupable. C'est une grande marque de sa prudence et douce conduite qu'en 8 ans, qu'elle a demeuré mariée, et 9 ans au monde après son veuvage, elle n'a presque point changé de serviteur et de servante, excepté 2 qu'elle congédia pour ne les pouvoir faire amender de quelques vices auxquels ils étaient adonnés. Elle n'était point curieuse ni maussade parmi ses domestiques. Sa vertu la faisait également craindre et aimer. Bref, sa maison était le logis de la paix, de l'honneur, de la civilité et piété chrétienne, et d'une joie vraiment noble et innocente. Sans connaître alors le grand évêque, qui devait être son guide dans la sainteté, Madame de Chantal appliquait dans son ménage les conseils que saint François de Sales donnait aux femmes pour qu'elles unissent à leurs devoirs religieux, à leur apostolat, à leurs œuvres de miséricorde, les occupations de la femme forte, le soin de la famille avec les œuvres qui dépendent d'celui, ainsi que l'utile diligence qui ne permet pas à l'oisiveté de prendre la place destinée au travail. Dans la vie rurale, les nobles dames veillent aux intérêts de l'exploitation agricole et n'en dédaignent pas l'humble détail. La châtelaine envoie ses serviteurs aux champs et garnit leurs besaces. Lorsque Sully était à la cour, sa femme vendait le blé et les autres récoltes. À une époque postérieure, Lord Fitzjames, marquise de Bouzels, fille du maréchal de Berwick, n'avait jamais, dit-on, les mains inoccupées. et cette grande dame ne couchait que dans les draps dont sa main patricienne avait filé la toile. Les quenouilles dites de mariage, que l'on voit au musée de Cluny et qui datent du XVIe siècle, rappelaient aux femmes, dans leurs riches sculptures, l'histoire de ces femmes fortes qui filaient la laine et le lin. Deux femmes entrées par le mariage dans la famille de la Rochefoucauld donnèrent au XVIIe et au XVIIIe siècle l'exemple de la femme forte, de la ménagère, aussi bien à la ville qu'au champ. C'est au XVIIe siècle, Jeanne de Schönberg, duchesse de Liancourt. C'est dans le siècle suivant, Augustine de Montmirail, duchesse de Doudoville, dont l'existence se prolongea jusque dans le XIXe siècle. Dans leur conduite, dans les conseils que l'une écrivit pour sa fille, l'autre pour sa petite-fille, dans le règlement que Madame de Liancourt traça pour elle-même, nous voyons combien important était pour les plus grandes dames le gouvernement de la maison, et par quelle forte et douce vertu elles soutenaient leur foyer. Ce gouvernement domestique est vaste. La femme surveille les affaires de la maison, et elle en soumet l'ensemble à son mari, le chef respecté de la communauté. Elle vérifie les dépenses de la veille, celles de la semaine. Elle arrête le compte du mois. À l'aide de conseils éclairés, elle revoit le compte général de l'année. Lorsqu'elle l'a signé en double expédition, elle le fait placer avec les prières justificatives dans une cassette de bois qui est déposée au trésor des papiers. Pour l'année suivante, elle fait un état général des dépenses par estimation et d'après la moyenne des 3 à 4 années précédentes. Elle y fait figurer le train de la maison de ville et les dépenses de la vie rurale. Elle tient compte aussi des dépenses imprévues. La femme chrétienne payera exactement ses serviteurs, ses fournisseurs. Faire des dettes, c'est retenir injustement le bien d'autrui. La noble dame évitera le luxe des habits, des meubles, de la table. Bonne et hospitalière d'ailleurs, elle établira l'ordre dans la bienséance et dans la générosité. Elle n'oubliera pas non plus qu'il faut donner aux pauvres le superflu de son bien. La châtelaine peut également être associée aux affaires extérieures du châtelain. Le choix des officiers qui rendent la justice seigneuriale. En l'absence de M. de Gondy, sa femme choisit des officiers probes pour administrer la justice dans ses terres. Le contrôle de leurs actes, elle aussi veillera au bien des orphelins, des hôpitaux, des fabriques, à l'entretien des ponts et des chemins, sur lesquels les seigneurs sont voyés, à la conservation des communes. Elle aide son mari dans la conduite d'un procès, et préside avec lui le conseil domestique des gens d'affaires. Dans les conseils que la duchesse de Liancourt donne à sa petite-fille, on reconnaît la noble femme, qui, soucieuse avant tout du droit, fournissait à ses adversaires même le moyen de plaider contre elle, et gardait pour leur personne les affectueux ménagements de la charité. La duchesse de Doudoville fut plus qu'associée au gouvernement de la maison. Pendant l'émigration de M. de Doudoville, elle s'acquitta si bien de cette administration que, de retour, le duc la lui laissa tout entière. Quant aux charges officielles dont le mari est revêtu, la femme y demeurera étrangère. Mais commet-il une injustice, elle doit l'avertir en secret et avec prudence. C'est le droit, c'est le devoir de l'épouse conseillère. En toute circonstance d'ailleurs où le mari s'écarte du devoir, l'épouse doit lui en indiquer le chemin. Mais elle prêche surtout d'exemple. Après 18 années d'une action lente et bienfaisante, Madame de Liancourt arrache son mari aux séductions du monde. Si l'épouse, si la mère ont charge d'âme, la maîtresse de la maison a aussi cette responsabilité. Comme la baronne de Chantal, elle veille aux besoins spirituels de ses serviteurs et à leurs intérêts temporels. Maîtresse attentive, elle les récompense de leurs bons services, les soigne dans leur maladie, leur assure le pain dans leur vieillesse. La duchesse de Liancourt, cette grande dame qui dans le monde mesure ses égards, au rang des personnes, considère dans son cours ses domestiques comme ses égaux devant Dieu. Des égaux que, dit-elle à Mademoiselle de la Roche-Guyon, Dieu a réduit en ce monde dans l'état de servitude, pour aider notre infirmité du rang que vous remédiez à leur misère. Ils doivent gagner le ciel par cette humiliation, comme vous devez le gagner par le soin que vous prendrez de leur conduite. Dieu nous oblige donc ainsi à des devoirs mutuels, les uns envers les autres. Un règlement était nécessaire pour que la maîtresse de la maison pût s'acquitter de la charge qui pesait sur elle, charge si lourde qu'elle rappelait à la plus grande dame la sentence de l'Éden « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Aussi, avant d'assumer de telles responsabilités, elle invoquait l'Esprit Saint pour pouvoir agir avec prudence et fermeté. En prenant le fardeau du gouvernement domestique, la noble dame voudra non dominer sur autrui, mais obéir. Obéir au mari, qui, occupé par de grands emplois, ne pourrait surveiller lui-même la maison. Obéir à Dieu, qui, selon la belle pensée de Madame de Liancourt, ne donne à l'homme que la garde d'un bien, que celui-ci doit transmettre fidèlement à autrui. C'est le talent que Dieu lui confie, et dont il lui demandera compte au jugement dernier. Partout la maîtresse de la maison cherche la volonté de Dieu. Comme la châtelaine du Moyen-Âge, son premier labeur est de distribuer la tâche à ses serviteurs, mais sa première pensée est d'adorer le Seigneur, qui lui a donné un jour de plus pour le servir. C'est à lui qu'elle consacre toute sa journée. Avant toute action, avant tout plaisir eux-mêmes, elle se demande si cette action, si ce plaisir, peuvent être offerts au Dieu de justice et de pureté. Généreusement dévouée à ses amis, elle leur sacrifie son repos, son bonheur, mais sa conscience jamais. Le nombre de ses relations sera d'ailleurs restreint et toujours soumis à la volonté du mari. Quant aux devoirs du monde, aux visites, elle ne leur donnera que ce qui se peut refuser à la plus stricte bienséance. Elle apporte dans toutes ses conversations une parole sobre, aimable, indulgente, ennemie de toute discussion opiniâtre, nourrie de bonnes lectures. Pendant que la duchesse de Liancourt est à sa toilette, elle se fait faire une bonne lecture pour que les personnes qui l'entourent alors puissent en profiter. Elle les fait parler sur cette lecture et attire leur attention sur l'enseignement qu'elles en peuvent tirer. Une influence bienfaisante, mais toujours exercée avec prudence. Fût-elle même entourée de caractères difficiles, elle fait régner partout la paix. Et pour cela, elle l'a d'abord établie dans son âme en domptant ses passions, ses caprices, son humeur. Madame la duchesse de Liancourt, quelle paix en effet dans une âme qui s'est rendue maîtresse d'elle-même. Tout peut crouler, Dieu reste. La douceur est la souveraine expression de cette paix intérieure. La douceur, c'était la vertu perpétuelle que saint François de Sales recommandait à la femme. La femme forte, bonne ménagère, douce et sûre conseillère, se retrouvait particulièrement au sein de la magistrature. Dans ce milieu sévère, où les principes sur lesquels repose l'ordre social sont chaque jour rappelés, les femmes vivent généralement selon les principes dont leurs maris sont les gardiens. Elles mènent l'existence de la matrone romaine, qui file la laine et garde la maison. Un jurisconsulte d'Aix raconte que, sous le règne de Louis XIII, les magistrats n'étaient vus qu'aux rues conduisant au palais, et ils vivaient chez eux en si grande simplicité qu'au feu de la cuisine, quand le mouton tournait à la broche, le mari se préparait pour le rapport d'un procès, et la femme avait la quenouille. C'est à la robe qu'appartient par sa naissance et par son mariage Madame de Némont. Cette jeune femme de 15 ans que sa sainte mère, Madame de Miramion, installe dans sa nouvelle famille en demandant que cet enfant soit chargé de l'administration de ses biens. La nouvelle mariée obtient ce privilège et s'en montre digne. Dans la magistrature se rencontraient des types respectables et attachants. Il pouvait sans doute arriver que l'austérité fût ridicule et intolérante, comme chez Madame Omer Talon, que Fléchier a peinte avec une verve si piquante et si malicieuse dans les grands jours d'Auvergne. Mais à la sévérité morale s'alliait généralement la douceur des affections domestiques et l'amabilité des relations. Quelle noble et sympathique figure que Madame de Pontchartrain, Nemo Pou, cette femme sensée et spirituelle, étincelante de gaieté et remplie en même temps de dignité, sachant comme aurait pu le faire une femme de vieille race, accueillir ses hôtes avec toutes les nuances de distinction que comporte leur état, présidente enfin aux réceptions officielles comme nulle femme de ministre ne savait le faire, et avec toutes ses brillantes séductions, possédant l'active et chaleureuse bonté qui lui inspire de charitables fondations, et qui fait d'elle une amie aussi fidèle que généreuse. Chez Madame d'Aguesseau, femme du chancelier et belle-fille de la bienfaisante Madame Henri d'Aguesseau, même mélange de grâce aimable et de noble vertu que chez Madame de Pontchartrain. Et toutes deux réalisent le type de l'épouse conseillère. Saint-Simon nous dit que Pontchartrain ne se trompa jamais, tant qu'il écouta les avis de sa femme. Quant à Madame d'Aguesseau, qui ne connaît le mot romain, qu'elle adressa au chancelier dans la périlleuse circonstance où il allait exposer sa position, sa liberté, elle le conjura en l'embrassant d'oublier qu'il eut femme et enfant, de compter sa charge et sa fortune pour rien, et pour tout son honneur et sa conscience. La vertu et la grâce, la force morale, la prudence, la bonté, la charité, la douceur, c'étaient là les qualités de la femme française au Moyen-Âge. nous voyons qu'en dépit des influences corruptrices amenées par la vie mondaine, ces qualités s'étaient conservées dans les trois siècles que nous étudions. Ajoutons-y la miséricordieuse charité, avec laquelle, comme au Moyen-Âge aussi, plus d'une femme pardonne à l'époux qui lui est infidèle. Noble contraste que l'on est heureux d'opposer à la femme qui se venge de l'adultère par l'adultère. Avec le silence, vous viendrez à bout de tout. Il ne faut parler de cette sorte de peine qu'à Dieu seul, disait à une épouse trahie une jeune femme qui connaissait personnellement cette douleur. C'était la sainte duchesse de Montmorency, compagne du brillant et chevaleresque Henri de Montmorency, époux à la fois tendre et volage, qui, tout en gardant à sa femme sa meilleure affection, offrait à d'autres ses capricieux hommages de grand seigneur. La duchesse se taisait, mais ses souffrances se lisaient sur son expressif visage. Son mari le remarqua. « Êtes-vous malade, mon ami ?» lui demanda-t-il. « Vous êtes changé. »« Il est vrai que mon visage est changé, mais mon cœur ne l'est pas, » répondit la jeune femme. Le duc devina la secrète douleur que trahissaient ses paroles, et devant les larmes qu'il faisait couler, il ne put que s'agenouiller avec émotion et promettre à sa femme une fidélité qu'il n'eut pas hélas la force de lui garder. Mais dans les âmes pures, l'amour qui est plus fort que la mort est plus fort aussi que l'offense qui le blesse. Par la puissance de son dévouement, Madame de Montmorency s'éleva au-dessus des jalousies humaines. Et l'on a même dit qu'au fond du cœur, elle ne pouvait se défendre d'une indéfinissable sympathie pour les femmes qui aimaient l'objet de son unique passion. Cet amour, si désintéressé, n'appartenait déjà plus à la terre, quand la tête chérie sur laquelle il planait tomba sous la hache du bourreau. Alors cet amour monta plus haut encore, et par un héroïque effort, Madame de Montmorency le sacrifia à Dieu. La veuve de la grande victime devint l'épouse de Jésus-Christ. Mais voici un exemple de magnanimité conjugale qui nous paraît plus extraordinaire. Que Madame de Montmorency ait aimé avec une passion aussi généreuse le noble duc qui, par son grand cœur, par sa bravoure, par sa loyauté, soulevait malgré ses faiblesses une enthousiaste admiration, nous comprenons ce sentiment. Mais qu'une femme d'élite, mariée à un être indigne, traître à sa patrie, déserteur, escroc même, ait encore à supporter l'abandon du misérable qui, par ce mariage, a échappé à un public déshonneur, et que cette épouse si cruellement outragée lui garde encore son amour, voilà un fait qui semblerait inexplicable, si l'on ne savait quel trésor de miséricordieuse tendresse peut receler un cœur de femme. Cet homme se nommait le comte de Bonneval, et c'est Mademoiselle de Biron qui s'était dévouée à lui avec toute la force d'une affection qui s'appuie sur le devoir. Lorsque son mari l'a abandonnée, elle lui écrit « Je me suis attachée à vous en bien peu de temps, de bonne foi, je suis sincère. Cette tendresse m'a été un sujet de beaucoup de peine. » Mais elles n'ont point effacé une prévention qui me fera toujours également désirer votre amitié, comme la seule chose qui puisse me rendre heureuse. Les lettres mêmes de la jeune femme demeurent sans réponse, s'il faut en juger par cette prière navrante de la noble délaissée. Je vous prie seulement de dire une fois tous les 8 jours à votre valet de chambre que vous avez une femme qui vous aime et qui demande qu'on lui apprenne que vous êtes en bonne santé. Cette femme, si éprouvée, ne laisse pas soupçonner au monde ses amères tristesses. Elle voile les fautes de son mari, mais c'est avec fierté qu'elle salue les actions d'éclat que l'on trouve mêlées à de si honteuses turpitudes chez le comte de Bonneval, cet étrange aventurier qui, à la fin de sa vie, devait trahir son Dieu comme il avait trahi sa patrie, son foyer, et qui, renégat, soldat de Mahomet armé contre les chrétiens, devait avoir son tombeau à Constantinople. Dans son délaissement, Madame la duchesse de Chartres, mère du roi Louis-Philippe, garde une touchante tendresse au volage époux qui lui porte le coup le plus cruel qu'une femme puisse recevoir en lui enlevant la consolation d'élever ses enfants et en confiant ce soin à la rivale qu'il lui préfère. Malgré son cuisant chagrin, elle ne perd cependant pas à l'extérieur cette gaieté d'enfant que conserve si naturellement la candeur de l'âme.